Chapitre 3. Y a-t-il alors un avantage à être juif? La circoncision a-t-elle une valeur? L'avantage est grand à tous égards. Et d'abord, c'est aux juifs que Dieu a confié ses paroles. Que dire alors si certains d'entre eux ont été infidèles? Dieu va-t-il renoncer à être fidèle parce qu'eux ne l'ont pas été? Certainement pas. Il faut que Dieu agisse selon la vérité, même si tout homme est menteur. Comme le déclare l'Écriture, il faut que tu sois reconnu juste dans ce que tu dis et que tu sois vainqueur si l'on te met en jugement. Mais si le mal que nous faisons sert à montrer que Dieu est juste, que dirons-nous? Dieu est-il injuste parce qu'il nous punit? Je parle à la manière des hommes. Absolument pas. Car si Dieu était injuste, comment pourrait-il juger le monde? Mais si mon mensonge fait apparaître d'autant plus clairement la vérité de Dieu et sert donc à sa gloire, pourquoi devrais-je encore être condamné comme pécheur? Et alors, pourquoi ne pas dire « Faisons le mal pour qu'il en sorte du bien » Certains, en effet, pour me calomnier, m'accusent de prononcer de telles paroles. Ces gens seront condamnés et ils le méritent bien. Mais quoi? Sommes-nous, nous les Juifs, supérieurs aux autres hommes? Absolument pas. J'ai déjà démontré que les Juifs et les autres hommes sont tous également sous la domination du péché. L'Écriture le déclare. Il n'y a pas d'homme juste, pas même un seul. Il n'y a personne qui comprenne, personne qui cherche Dieu. Tous se sont égarés loin de lui, ensemble ils se sont perdus. Il n'y a personne qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gorge est comme une tombe ouverte. Leur langue leur sert à tromper, les paroles qui sortent de leurs lèvres sont comme du poison de serpent. Leur bouche est pleine de malédictions amères. Ils courent avec rapidité pour tuer. Ils laissent la destruction et le malheur partout où ils passent. Ils n'ont pas connu le chemin de la paix. Ils vivent sans aucune crainte de Dieu. Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont soumis à la loi, afin que nulle excuse ne puisse sortir de la bouche des hommes et que le monde entier soit placé sous le jugement de Dieu. Car personne ne sera reconnu juste devant Dieu pour avoir accompli ce qu'ordonne la loi. La loi permet seulement à l'homme de savoir qu'il a péché. Et maintenant Dieu nous a montré comment il nous rend juste devant lui, et cela sans l'intervention de la loi. La loi et les prophètes en avaient parlé. Dieu rend les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Il le fait pour tous ceux qui croient au Christ. Car il n'y a pas de différence entre eux. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes gratuitement par Jésus-Christ qui les délivre. Dieu l'a offert en sacrifice pour que, par sa mort, le Christ obtienne le pardon des péchés en faveur des hommes qui croient en lui. Dieu a voulu montrer ainsi comment il était juste. Autrefois, il avait patienté et laissé impunis les péchés des hommes. Mais, dans le temps présent, il montre comment il rend les hommes justes, car il veut à la fois être juste et rendre juste tous ceux qui croient en Jésus. Y a-t-il encore une raison pour les hommes de s'enorgueillir? Non, plus une seule. Pourquoi? Parce qu'ils obéissent à ce qu'ordonne la loi? Non. Mais parce qu'ils croient. Car nous estimons qu'un homme est rendu juste devant Dieu à cause de sa foi, et non parce qu'il obéit à ce qu'ordonne la loi. Ou bien Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des autres peuples? Bien sûr, il l'est aussi des autres peuples, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il va rendre juste les Juifs à cause de leur foi, et les non-juifs également par la foi. Cela signifie-t-il que par la foi, nous enlevons toute valeur à la loi? Bien au contraire, nous donnons à la loi sa vraie valeur.